Señor. Muévese en subitumen. Ma chair souffle la joindre par an. Ma bien content. Vous m'êtes allé chez lui, ma résine. Vous m'êtes allé chez lui, ma consolé. Parce que vous n'aimez pas le travail, il va faire moins, il passe au travail. Son seul bagaille, ma pensée, c'est divorcer. Manger du matin, oui, ça a midi m'entraîné. Manger midi, ça souhait. Et puis faire tout en la sortie. Tout en la sortie, côté le bras, le bras qu'on est. Qui va comprendre l'aller? Kaye m'attendre. Kaye m'attendre. Et puis, on va arriver encore pour manger, ça compte, m'a mangé. On va compter, m'a mangé. Qui signifie que l'on va manger à compter, si vous faut tout pour qu'on finisse, manger à finir sur table. Vous voulez ça manger à compter. Pas capable de nous faire ça. Seul bagaille m'a pensé, c'est